Choi Ryong-hae, vice-président du comité des affaires d'État, qui avait participé à la cérémonie de prise de fonction du président nicaraguayen comme envoyé spécial du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a rendu visite le 12 courant à Salvador Antonio Valdés Mesa, vice-président du conseil d'État de Cuba, au cours de son retour dans la patrie. Lors de l'entretien tenu au siège du Conseil d'État de Cuba, Choi Ryong-hae a informé son interlocuteur des grands succès des militaires et civils coréens qui se sont engagés dans l'offensive générale pour l'application de la résolution du 7e congrès du parti, avec la grande fierté d'avoir élu le dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée. Ensuite, il a exprimé la position du parti et du gouvernement coréen de développer invariablement les relations bilatérales. Le vice-président du Conseil d'État de Cuba a souhaité au dirigeant suprême coréen santé et plus grand succès dans son travail. En disant que son pays accorde la priorité aux relations avec la Corée, il a formulé la position résolue contre toutes sortes de résolutions vis-à-vis de la Corée adoptées dans l'arène de l'ONU par les forces hostiles et le soutien à la cause du peuple coréen pour la réunification de la patrie.